on va même juger les anges. Amen. Amen. Le verset vous le dit, God made him a little lower than the angels. God crowned him with glory and honor, and he set him over the works of your hand. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 9. Verse 9. Then you don't talk about Jesus here. He said, but we see Jesus. Ici, il parle de Jésus-Christ. Who was made a little lower than the angels for the suffering of death. You see there. He became a man. Was not made lower than the angels. Er wurde niedriger als die Engel gemacht, um den Preis zu bezahlen für uns. Verset 9, on voit aussi que même Jésus-Christ, il était devenu un homme, un être humain. Il est devenu aussi, il s'est rabaissé plus bas que les anges et pour aussi mourir pour nous, et maintenant il est plus haut que les anges. Let's go to Colossians 3. Colossiens 3. So we should do everything. You know, he said, all things. He said, let all be of heaven. Alles soll himmlisch sein. Tout doit être céleste. Whatever we do, let all be of heaven. Alles, was wir tun, soll von Colossians 3. Colossiens 3 nous dit que tout ce qu'on fait doit être céleste. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 13. Vers 13. Amen. To 17. 13 to 17. Colossians 3, 13 à 17. He said, forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also you do. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And not forgive so that he will forgive you. You forgive because you have already been forgiven. Und nicht vergeben, damit Gott dir vergibt, sondern vergeben, weil du Vergebung schon empfangen hast durch Christus Jesus. Et on doit aussi savoir qu'on doit aussi pardonner les autres, pas parce que l'Éternel pour être pardonné, mais parce que Dieu nous a déjà pardonné, c'est ce qu'on voit ici. Amen. Amen. Verse 14. 14. And above all these things, put on charity. You see it, charity. The kind of love. Die Liebe Gottes, Jesus himself. Die Christus selbst ist. Anytime you see charity in the Bible, it's talking about Christ. Wenn wir Liebe in der Bibel sehen, geht es immer um Christus selbst. Mais par-dessus, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Et toute fois que la Bible parle de la charité, il parle de Jésus-Christ. Not what man and religion call charity. Nicht was Menschen und Religion lieben. Feeding the poor. Für sie ist Liebe Wohltätigkeit, für die Armen da sein und sie zu füttern und einzukleiden. Und man füttert und kleidet sie ein für die Hölle. Praise the Lord. Et pas comme ce monde dit que la charité. Donc dans ce monde, quand tu fais une charité, tu vêtis ou bien tu nourris les pauvres sans Jésus-Christ et tu les prépares pour l'enfer. And if you talk about Christ, you talk about heaven. Wenn du über Christus redest, redest du über den Himmel. Et quand tu parles du Christ, tu parles du royaume des cieux. He said, and above all these things, put on heaven. You see that? Über dies alles aber zieht den Himmel an. Et il dit que on doit se revêtir du royaume des cieux. Amen. Amen. Which is the bond of perfectness. Qui das Band der Vollkommenheit ist. Qui est le lien de la perfection. Verse 15. And let the peace of God rule in your heart. For the which also you are called in one body. And be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Excuse me. Thank you. And whatsoever you do, in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and our Father by him. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to be heavenly conscious. Er möchte, dass wir himmlisch gesinnt sind. Il dit, on doit vraiment être reconnaissant. Il a dit que et soyez reconnaissant du règne et que la paix de l'Éternel puisse régner dans vos cœurs. Donc tout ce qu'on est en train de faire, on doit être reconnaissant du Saint-Esprit de l'Éternel. Amen. Amen. Just as He Himself was heavenly conscious. Genauso wie er selbst himmlisch gesinnt war. Tout comme lui-même il était conscient du royaume des cieux. He always think of heaven. Speak of heaven. Look unto heaven. For him, it's all about heaven. Il ging's immer mit Himmel. Il a toujours parlé du ciel et il pour lui, il s'agissait toujours du royaume des cieux. You know, on Wednesday, we were in Matthew 14, when he fed thousands. Amen. Mm-hmm. He fed them. That do not want the food did not come from here. He did not first of all save. You know, save enough to buy food for thousands. Das Essen kam nicht von hier. Er hat nicht erst gespart, bevor er tausende Sachen machen konnte. Le royaume des cieux, ça fait la nourriture quand il avait nourri les 5000, la nourriture ne venait pas d'ici. Il n'a pas d'abord fait des économies, gardé beaucoup de pain, mais ça venait directement du royaume des cieux. You know, if Jesus want to save 4,000, maybe he could have still been alive to here in this world to the saving. Wenn Jesus für Tausende gespart hätte, zurückgelegt hätte, damit er diese Leute füttern könnte, dann wäre er vielleicht jetzt immer noch am Leben, um zu sparen. Work hard, so that he can feed them. Und zu arbeiten, damit er sie alle satt machen kann. Si Jésus-Christ était voulait tout, son motif c'était de il voulait le faire naturellement nourrir les 5000 personnes, il a jusqu'aujourd'hui n'allait même pas mourir, il allait toujours continuer à faire ses économies. Amen. Amen. Not that song, minimum and maximum. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. He said, the little a righteous man have is greater than all the wealth of the sinner. Ihr kennt diesen Song, Book of Proverbs. Minimaler Aufwand und maximaler Genuss. Die Bibel sagt auch, dass das Kleine, was ein Gerechter hat, ist viel größer als das, was die Ungerechten haben. On connaît aussi, c'est aussi notre une chanson qui nous dit qu'on doit avoir de minimal des efforts et de rejouir de plus. Ça signifie aussi que ça nous fait voir aussi comme la Bible nous dit que le c'est que quelqu'un a de peu minimaler. Das kleine, was ein Gerechter hat, ist größer als der Reichtum der Sünde. C'est que le peu que quelqu'un de juste a possède, c'est encore plus que ce que un injuste a. Amen. Jesus is an example of that. Und Jesus ist ein Beispiel dafür. Et Jésus-Christ, il est un exemple de ça. Two fish and five loaves. Zwei Fische und zwei Brote. Nee. Zwei Fische und fünf Brote. Zwei Fische und fünf Brote, das Mittagessen von einem kleinen Jungen. Jésus-Christ avec deux pains et cinq poissons, c'était la nourriture d'un petit garçon. Praise the Lord. Hallelujah. Let us learn to remember heaven. Lasst uns lernen, uns an den Himmel zu erinnern. On doit apprendre à se rappeler du royaume des cieux. The first thing for us should be heaven at all times. Das erste, woran wir gedenken sollen, sollte der Himmel sein. Et la première chose qu'on doit on doit se rappeler, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. You know when the Syrian army came, Elisha remember heaven. Als die syrische Armee auf ihn zukam, hat sich Elijah an den Himmel erinnert. Et comme Élisée, par exemple, dès qu'il a vu l'armée syrienne, il a directement pensé au royaume des cieux. You can see he was not in panic. Il hatte keine Panik. Ben, il n'était pas paniqué. Because things are going to come. Denn Dinge werden kommen. As far as you are still here. Weil du eben hier bist. Parce que quand tu es ici au royaume de ce monde, dans cette terre, il y aura toujours des problèmes qui vont arriver. Are you going to fall into panic or you remember heaven? Wirst du in Panik verfallen oder dich an den Himmel erinnern? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être en panique ou bien tu vas te rappeler du royaume des cieux? Allow heaven to be your meditation. Lass du, dass der Himmel deine Gesinnung ist. Autorise le royaume des cieux à être ta méditation. Amen. Amen. That is how to bring your victory into the physical world. So bringen wir unseren Sieg in die physische Welt. Et c'est comme ça que on amène notre victoire dans le monde physique. You already have victory on the inside. Wir haben schon Sieg im Inneren. Parce que dans l'intérieur, on a déjà. But the outside, the world need to see. Aber das Äußere, die Welt muss es sehen. Mais de l'extérieur. C'est le monde qui doit voir l'extérieur, mais bien sûr déjà l'intérieur. And Joshua 1, help us to know. He said, meditate in my word both day and night. Meditate in the truth. Believe the truth. Believe the finished work of Christ. Both day and night. In Joshua 1 steht, sinne Tag und Nacht über das Wort Gottes nach, über die Wahrheit nach. Das ist alles. So haben wir Wohlergehen. Et la Bible nous dit qu'on doit méditer dans la parole de Dieu chaque jour et nuit. Et c'est comme ça qu'on sera bien, on sera à l'aise. How to have his promises for you? Wie wir seine Versprechen haben für uns. Comment avoir sa promesse pour nous? It is being heavenly minded. Es ist, indem wir himmlisch gesinnt sind. On va avoir sa promesse. On va recevoir la promesse que Dieu a pour nous quand on est on a nos mentalités on est conscient oui du royaume des cieux. Amen. He have a lot of promises for you. Er hat viele Versprechen für uns. Yeah, so many. Parce qu'il a vraiment beaucoup de promesses pour nous. And he want them to come to pass. Und er möchte, dass das zustande kommt. Et il veut que ça puisse se manifester. Amen. You already have them, but they must come out. Wir haben das alles schon, aber es muss sich manifestieren, damit die Welt es sieht. On a ça déjà dans notre esprit, mais ça doit sortir pour que le monde puisse aussi le voir. He said our wealth is staying in the hand of sinner for too long. Der Herr sagt, dass unser Reichtum schon zu lange in den Händen der Sünder ist. Il a dit que nos biens sont, il y a, nos biens sont dans le monde du sud déjà, il y a beaucoup dans les mains des gens de ce monde pour longtemps. Because we allow it. Weil wir das zulassen. Mais parce qu'on est en train de l'autoriser. Amen. Amen. We allow it in different ways. Weil wir es auf unterschiedliche Art und Weise zulassen. On les autorise à d'avoir nos biens pour dans des modes différents. I will use this opportunity to thank you all that are there for the ministry. Ich werde auch diese Gelegenheit nutzen, um euch allen zu danken, die für die Gemeinde da sein. Et je veux utiliser cette possibilité pour vous remercier, vous qui êtes là pour le ministère, en fait. You are really there for Christ Jesus. Ihr seid wirklich da für Christus Jesus. Vous êtes vraiment là pour l'éternel Jésus-Christ. Because it takes him to be there for a living church. Denn es braucht ihn, um für eine lebendige Gemeinde da zu sein. Parce que vous avez vraiment besoin de lui pour être là dans la maison de Jésus. You know, a religious church, you know it is. If you give, God will bless you. But in a living church, it's give because you are there because you are. Bless you. So you are not expectation. People are moved with expectation than being there in love. Bei einer religiösen Gemeinde geben Leute aus Erwartung, aus einer Erwartungshaltung, weil sie denken, wenn sie geben, werden sie empfangen. Aber in einer lebendigen Gemeinde geben Menschen, weil sie glauben, dass sie schon alles empfangen haben durch Jesus Christus. Dans une église religieuse, les gens donnent à l'église parce que ils sont en train d'espérer d'avoir qu'un jour que l'Éternel aussi puisse les bénir. Mais nous, dans une église vivante, on donne parce qu'on sait que l'Éternel nous a déjà donné. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ was heavenly minded. Jesus Christus war himmlisch gesinnt. Matthäus 6. On va lire Matthieu 6. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 31 and 32. Matthäus 6, 21. Matthieu 6, 31. Amen. He said, therefore, take no thought, saying, 31 and 32. Don't allow your mind to be full of flesh. Lass nicht zu, dass deine Gedanken voll sind vom Fleisch. Ne permet pas tes pensées à être somebody got in it. Do you see that? Take no thought, saying, what do you have in you? What are you worried about? Was ist in dir? Was, worüber machst du dir Gedanken, wen du heiraten sollst? Tu penses à quoi? Quelles sont tes préoccupations? Amen. Qui tu vas, où est-ce que tu vas travailler? Qui tu vas marier? Amen. You know how to pay bills. Wie wir Rechnungen bezahlen sollen. Comment payer nos factures? Amen. How to pass my exam? Wie wir Prüfungen bestehen. Wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Comment surmonter mes examens? Il nous dit de ne pas se préoccuper. Is that what your mind is full of? Ist es das, wovon deine Gedanken voll sind? Est-ce que c'est ça ta préoccupation? Amen. Amen. What is happening to everyone in the world? Is that what your mind is full of? Ist das, was auf der Welt abgeht? Ist das, was deine Gedanken ist das, was deine Gedanken umhüllt? Est-ce que ce qui se passe dans ce monde, c'est ça qui est en train de te préoccuper? Are you getting it? Take no thought. It is a command that you don't take. You don't think like that. Es ist ein Befehl, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Ici à Matthieu 6, 31, l'Éternel est en train de nous commander de ne pas se préoccuper. If you are worried, you are going against Christ. Wenn wir uns Sorgen machen, gehen wir gegen Christus. Parce que quand tu es préoccupé, là, tu es en train de travailler contre Jésus-Christ. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat or what shall we drink? Or where shall we be clothed? For all these things, do the Gentiles seek? Praise the Lord. Amen. For your heavenly Father, know that you have need of all these things. Genau, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Ne vous inquiétez pas donc point de c'est que on va manger ou bien boire parce que votre Père céleste il sait déjà de qu'est-ce que vous avez besoin. You can see how Jesus is so focused on heaven. Vous êtes vite focusé Jesus auf den Himmel. Et là tu vois comment l'Éternel est focus et concentré sur le royaume des cieux. Il pense qu'au royaume des cieux. He did not say your earthly father know how to solve it. Er hat nicht gesagt, dein irdischer Vater weiß, wie er das zu klären hat. Einige von uns haben auch noch nicht mal einen irdischen Vater. Il n'a pas dit que ton père de ce monde, ton père charnel, sait comment le résoudre. Parce qu'il y a quelques d'entre nous qui n'ont même plus un père terrestre. Amen. He said, your heavenly father knows that you have need of all these things. Sondern euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Il dit que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. And that's why it's not about seeking and asking and asking and praying and asking. Give me, give me, give me. Give me more. First name, give. No, you know your father's name more. Give me more. Give me. It's not giving, giving, giving. It's thank you. Deswegen the period of thank you. Deswegen geht es nicht darum, dass du die ganze Zeit am Betteln bist, am Bitten bist, sondern du sollst in Danksagung leben und nicht als Bettler leben. Et c'est pour cela, il s'agit pas de prier, d'avoir ou de recevoir de plus, mais il s'agit de remercier l'Éternel qui t'a déjà tout donné. Und die Leute nutzen das Fasten, um den Herrn dazu zu zwingen, ihnen Sachen zu geben. Et c'est pour cela, les gens même aujourd'hui sont en train d'utiliser des jeunes pour convaincre l'Éternel à lui donner quelque chose. You know, before problem, you are God. You are Christ. Wenn Probleme vor dir stehen, bist du Gott, bist du Christus. Avant, devant quelconque problème qu'on a, nous sommes d'abord Jésus-Christ. But before Christ himself, you remain his baby forever. Wenn du vor Christus stehst, bleibst du sein Baby. Mais si tu es devant Jésus-Christ, tu restes son bébé. Have you ever seen any baby fasting so that the mother will give him to the body? Hast du schon mal ein Baby gesehen, was gefastet hat, damit es gefüttert wird? Wenn das der Fall ist, dann ist diese Mutter eine schlechte Mutter. Est-ce que tu as déjà vu un bébé en train de faire des jeûnes, des prières pour que sa mère puisse lui donner du lait? Si c'est le cas, cette maman, elle est vraiment méchante. Amen. Amen. Winter is coming. Let me fast and pray so that he will buy me clothes for winter or shoes for winter. The mother know it. He know it just like Jesus. He said, your heavenly father know it that you have need of these things. Amen. Genauso auch, provider. Wenn es Winter ist und das Kind erstmal eine Unterschriften sammeln muss, damit es eine Winterjacke bekommt. Ja, also das Kind, die Eltern wissen, wie es zu versorgen hat. Ou bien quand il y a la neige, ou bien il y a l'hiver, là, le bébé ne doit pas d'abord faire des réunions pour parler, pour demander à la maman d'acheter une jaquette. Là, les parents le font directement. Praise the Lord. Hallelujah. He is your father forever. Er ist für immer dein Vater. Amen. Amen. Amen. You remain just a baby for him. Du bleibst für immer ein Baby. You are never matured. Before him, you remain a baby. But before problem, you are a mighty man of valor. Du bleibst für immer ein Baby für ihn. Du bist niemals volljährig vor ihm. Aber vor Problemen bist du ein mächtiger Krieger, ein mächtiger Mensch. Ein mächtiges Kind Gottes. Devant l'Éternel, tu es toujours son bébé. Et devant les problèmes, tu es vraiment un guerrier. Amen. Amen. Then in verse 33, it says, but you seek first the kingdom of God. Amen. Don't seek what to eat. Don't seek who to marry. Don't seek when, don't seek how. Amen. When and how is a problem for God's children. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet nicht nach dem Wie und dem Wann. Wann ich heiraten werde, wie ich den Job bekommen werde, wo ich wohnen werde, sondern sucht erst nach dem Königreich Gottes, weil dieses Wie und das Wann ist ein sehr großes Problem für Menschen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée. Pas d'abord vous inquiéter et de vous demander comment aurai-je cette promesse, comment je vais avoir mon enfant ou bien mes résultats, comment je vais passer mes examens. Ça, c'est contre le royaume des cieux. But you seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. He's telling us how. Es sagt, er erklärt uns, wie sich das alles manifestieren wird. Ici l'Éternel nous explique comment les histoires qu'on a dans notre esprit va être aussi physiquement à se manifester. C'est quand on cherche d'abord premièrement le royaume des cieux. Il nous explique ça ici. Verse 34 says we should be our mind should be occupied with heaven. In 34 steht, dass unsere Gedanken umgeben sollen, umgeben sein sollen vom Himmel, von himmlischen Gedanken, nicht von Angst und Sorge. Donc ici, verset 34, ça nous fait voir que nos pensées doivent vraiment être célestes. On doit avoir des pensées célestes et pas avoir des pensées terrestres. Take therefore no thought for tomorrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it, please? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Again, he said, your heavenly Father know, and not your earthly Father. Er hat gesagt, ein himmlischer Vater weiß es, nicht ein irdischer Vater. Nur für die Leute, die ihre Eltern so hoch erachten. Und es geht auch für mich selbst. Amen. Ici, il dit que ton Père céleste, c'est ça. Donc, pas ton Père terrestre. Et ça, c'est pas seulement valable pour vous. Mais c'est aussi valable pour moi de considérer que Jésus-Christ n'est pas ma famille naturelle. Your parents should be after him. Deine Eltern sollen hinter Jesus her sein. Tes parents doivent être derrière Jésus-Christ. Just as you are after him. They should not be after you. Wie du hinter Jesus her bist. Sie sollten nicht hinter dir her sein. Tout comme toi, tu es derrière Jésus-Christ. C'est comme ça. Are you getting it? Toutes ces choses doivent être derrière toi. You know, in Africa, you know, they always believe once you give birth to children, children will give birth to you. Amen. You train them and they are now there for you. They never, it's you depend on Christ and not on people. You made those children target for Satan to steal, kill, and destroy. Because Satan will always go after the root. We have no one always want to destroy whoever you are depending on. Except if it is Christ, then he failed. If it's your children, he will destroy those children before you. Und in Afrika sagt man beispielsweise, wenn du deine Kinder das Leben geschenkt hast, schenken sie dir dann wiederum das Leben, weil diese Kinder sozusagen deine Rente sind. Wenn du alt bist und nicht mehr arbeiten kannst, dann werden sie auf dich aufpassen, dich versorgen. Aber dadurch sorgst du dafür, dass diese Kinder, dass du dich vollkommen auf diese Kinder verlässt, dass diese Kinder zu einer Zielscheibe des Satans werden, weil der Satan, er zielt immer auf den Kopf. Weil er weiß, dass das am effektivsten ist. Er zielt immer auf die Wurzel der Dinge, um die Sache komplett von Grund auf zu zerstören. Und wenn du Menschen zu deiner Wurzel machst, wenn du Menschen zu deiner Quelle machst, dann wird er auch hinter diesen Menschen her sein. Donc, en Afrique, par exemple, eux, ils pensent, ils sont là pour leurs enfants, sont en train de prendre soin de leurs enfants et ils espèrent qu'un jour leurs enfants doivent devenir leur pension, donc aussi prendre soin d'eux. Mais ils ne savent pas que si tu donnes à ton enfant une position telle quand le diable va commencer à détruire cet enfant pour aussi te détruire, il va utiliser la chose que tu trouves comme précieux pour aussi te détruire. C'est pour cela que c'est important de voir Jésus-Christ avant comme ton fournisseur au lieu de voir tes enfants comme ton fournisseur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, your heavenly Father. The same Father, he called his own Father. Der himmlische Vater, den Vater, den wir uns mit ihm teilen. Is that not wonderful? Et puis il dit que ton Père céleste, John 10, donc, il parle du même Père, du même Père que lui aussi la Père. Il a Amen. Your heavenly Father, the same heavenly Father, he called his own Father. Johannes 10, Vers 30. Jean 10, verset 30. Diesen himmlischen Vater, den er selbst als seinen himmlischen Vater bezeichnet. Le Père céleste, lui même, il appelle Père céleste. Amen. On a le même Père. Verset 30. I am my Father, are one. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you also go to John 8, 29. Auch Johannes 8. You can see how Jesus was occupied with heaven. John 8, 29. And he that sent me is with me. The Father has not left me alone. For I do always those things that please him. Amen. I do always those things that please heaven. Denn ich tue allzeit das, was dem Himmel gefällt. Il dit que moi je fais chaque fois je fais ce que les, le royaume des cieux plaît. Amen. Amen. I don't care what people say. But what I care about is what he says. Amen. Mir ist egal, was Leute sagen. Die Meinung der Mensch ist mir egal. Seine Meinung zählt in meinem Leben. Moi, ça m'intéresse pas ce que l'être humain est en train de faire. C'est la, c'est ce que Jésus-Christ dit de moi. C'est ce qui m'intéresse. C'est la seule chose qui m'intéresse. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in 1 Peter 1:4, he said, the Bible said things are reserved for us there. In 1. Petrus 1:4 steht, dass Dinge im Himmel für uns aufbewahrt sind. Lernen, im Himmel zu leben. In Pierre 1:4, là, il est écrit que le royaume des cieux a réservé des histoires pour nous. C'est pour cela qu'on doit apprendre à vivre comme dans le royaume des cieux pour les voir se manifester ici sur terre. Amen. Amen. There is a revelation 12 says rejoice you heavens. Oder auch in Offenbarung 12 lesen wir freut euch ihr Himmel. Ou même la Revelation 12, il nous dit aussi rejouissez-vous vous ciel. Do you know why? Wisst ihr wieso? Est-ce que tu sais pourquoi? Because Satan is absent. Weil der Satan is not there. Da kein Platz mehr hat. Er wurde da rausgeschmissen. Il t'appelle ciel parce qu'il sait que le diable est absent de là. Do you see how wonderful to live there? Tu vois comment c'est vraiment formidable de vivre dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Because with the presence of Satan is every evil thing. Weil mit der Gegenwart des Satans ist jedes böse Werk vorprogrammiert. Parce que là où il y a la présence du diable, là on voit que toute mauvaise chose est en train de commencer. Ça commence bien bien là. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please go to John 8. Johannes 8. Jean 8. John 8, from verse 23. Johannes 8, 23. Oh, just 23. Jean 8, 23. And he said unto them, you are from beneath, I am from above. Mm. Huh. You are of this world, I am not of this world. Mm. Do you see it? Yeah. So heavenly conscious. Und er sprach zu ihnen, Johannes 8, 23. Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Amen. Er war so himmlisch gesinnt. Ici, Jean 8, verset 23, on voit qu'il dit que, et cela n'est pas seulement, il dit que moi je suis d'en haut et vous êtes ici. Be aware of where you are from. Sei dir bewusst, von wo du kommst. Et toi aussi, tu dois apprendre à être conscient d'où tu viens. Whatever Jesus is saying, you are saying it also. Was immer Jesus sagt, sagst du auch. N'importe ce que Jésus-Christ dit, toi aussi tu es en train de le dire. Amen. Mm. Be aware of your, you know, that you are also. This very place is you. Sei bewusst. Look at it. And he said, verse 23 again. 23. You are from beneath, and I am from above. You are of this world. I am not of this world. This is also you. Mm-hmm. Seid euch im Klaren, dass das ist das, was ihr von euch auch sagen könnt, ne? Dass du bist, dass die sind von unten und du bist aber von oben. Die sind von dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Jean 8, 23, il dit que vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je suis pas de ce monde. Donc toi aussi tu dois être conscient que toi tu es comme Jésus-Christ, tu appartiens d'en haut et tu n'es pas d'ici. He's saying that he's a citizen of heaven. That's what he's saying. Er sagt hier ganz klar, ich bin ein Bürger des Himmels. Ici il dit qu'il est, il dit clairement qu'il est un citoyen du royaume du ciel. So also is you and me. Go to John 17. Johannes. Tout comme toi et moi. Johannes 17. Jean 17. Verse 16. Are we there, please? They are not of the world, even as I am not of the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He say we are of the citizen of heaven. Er sagt ganz klar, wir sind Bürger des Himmels. Ici, Jésus-Christ dit à Jean 17, 16, Il dit que nous aussi, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, il parle ici de nous. Amen. We should, and must learn to speak how Jesus speaks. Wir sollten und müssen lernen, wie Jesus zu sprechen. On doit à vraiment apprendre à apprendre comment de parler comme Jésus-Christ parle. We must learn to speak how he speaks. Wir müssen lernen, so zu sprechen wie er. Das ist sehr wichtig. C'est vraiment important qu'on puisse apprendre à parler comme Jésus-Christ. Amen. Parle. You don't speak situation. Du sprichst die Situation. On parle pas que des situations. Du sprichst Christus. Mais on parle Jésus-Christ. We are not positive. We are not speaking positive. We speak Christ. Wir sprechen auch nicht positiv, sondern wir sprechen Christus. Nous on parle aussi on parle pas positif, mais on parle Christ. Positive is of flesh and blood. Weil positiv ist sprechen. The flesh profit and nothing. Fleisch und Blut und das Fleisch nützt nichts. Was du parlais positivement, c'est chair et os, mais c'est pas Christ. We speak of the spirit. Wir sprechen vom Geist. Nous on parle du royaume. Is somebody getting it? De l'esprit, pardon. Amen. Learn to speak how Jesus speaks. Lerne so zu sprechen, wie Jesus gesprochen hat. Apprends à parler comme Jésus-Christ. And that's why our confession is never a lie. Deswegen ist unser Bezeugen. Let's see something here. Niemals eine Lüge. Et c'est pour cela notre confession, c'est qu'on confesse n'est jamais une un mensonge. First of all, verse 11 and 12. Johannes 17, Jean 17, 11 und 12, 11 à 12. I don't know if you're already getting it here. Look at 11. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier. C'est Jésus qui parle ici. He said, "Now I am no more in the world," but he was still there. Aber er war immer noch da. Et ici il dit que moi je suis plus de ce monde, malgré il était dans le monde. I don't know if you are getting it. He said, "I'm no more here, but he's still here. He was there. He was there with them, sound and laugh, and when and alive." And he said, "I'm no more here." Stand, are you getting it? Er stand da mitten unter ihnen und hat es dennoch gesagt, dass er nicht mehr unter ihnen ist, dass er nicht mehr in der Welt ist. Ici on voit que Jésus-Christ était au milieu d'eux, mais il dit que je ne suis pas dans le monde. Are you getting it, please? And now I am no more in the world. But these are in the world. You know, the natural man will say he's lying. Der natürliche Mensch würde sagen, er lügt dort, er steht doch da. Mais l'homme naturel va dire, mais de quoi il parle celui-ci, parce qu'il est ici. And I come to thee, Holy Father, keep through your own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Verse 12. Where I was with them in the world, he was still there. Er stand immer noch bei ihnen. Are you getting it? You can see how he speaks. Ihr seht, wie er spricht. Was du dit que lorsque j'étais avec eux dans le monde, malgré il est toujours dans le monde. Amen. He was speaking to them directly. Er hat direkt zu ihnen gesprochen. I'm speaking to God. You know, pray for them. Are you getting it? He said, while I was with them in the world, I kept them in your name. He's speaking to God. Are you getting it? Ici, but praying for them, but he was still there alive. Ici on voit qu'il était pas en train d'écrire une lettre, mais il s'adressait directement, il priait pour eux envers Dieu, mais il était en train de dans leur présence. Il disait que je suis quand j'étais avec eux, malgré il était encore dans le monde. Donc tu vois que ça n'avait pas cette grammatique, ça n'a pas de sens. Amen. Where I was with them in the world, I kept them in your name. Those that thou gavest me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Verse 13. And now come I to thee. Then he's saying the truth now. That's what the natural man will say. He's not saying that I'm not coming to you. Jetzt but first of all, Jesus said, I am no longer here. Jetzt würde der natürliche Mensch sagen, ab Vers 13, okay, jetzt sagt er die Wahrheit, weil er ist ja auf dem Weg, er ist ja nicht schon ganz weg. Ici, verset 13, quand il dit « Et maintenant, je vais vers toi, l'être naturel va dire ah, « Maintenant, là, il parle à la vérité parce que oui, il partait chez l'Éternel, mais il n'est pas encore là, il était encore dans ce monde. » And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. Verse 14. have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Why did they hate you? Because you are not of here. Wieso haben die dich gehasst, weil du nicht von hier bist, weil du zum Himmel gehörst? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont détesté parce que toi tu appartiens au royaume des cieux et pas parce que tu es d'ici? Praise the Lord. Hallelujah. Why did they hate you? Weshalb hassen sie dich? Pourquoi ils te détestent? Because you are from another citizen. Weil du zu einem anderen Reich gehörst. Parce que tu appartiens à un autre royaume. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please learn to allow to let your heart be occupied with heaven. Lass zu, dass dein Herz vom Himmel umgeben ist. Apprends que permet à ton cœur d'être du royaume des cieux et pas d'ici. You know, Jesus used money to teach us a lot. Jesus hat Geld genutzt, um uns viel beizubringen. Jésus-Christ a utilisé de l'argent pour nous apprendre beaucoup de choses. He said, "Where your treasure is, your heart will be there." Er hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Il nous a dit que là où ton trésor est, c'est là aussi que ton cœur sera. And it depends on how big that treasure is. Und es kommt auch darauf an, wie groß dieser Schatz ist. Et ça dépend aussi de la grandeur de ce trésor. If that treasure is just small, your heart will not even be there. Wenn dieser Schatz klein ist, wird dein Herz nicht mal da. Et c'est si ce trésor est si petit, ton cœur sera même pas là-bas. Are you getting it? Mm. You know, if you have account in Sparkasse and that money is so big, I'm not saying small. If something is happening to Sparkasse, you are more concerned. That somebody that just have 10 euro there, you just say, ah. Jemand ein riesiges Sparkonto auf der Sparkasse hat mit so viel Geld und da wissen wir, dass in der Sparkasse gerade irgendwas vor sich geht, wird die Person besorgt sein um das Geld. Aber wenn jemand vielleicht nur 10 Euro da hat, dann wird er sagen, ja okay, dumm gelaufen, aber nicht schlimm. Na, er würde sich darüber keine Sorgen machen, aber die andere Person, die viel Geld hat, die würde Kopfschmerzen haben, die würde da hinfahren, die würde versuchen, irgendwas zu machen und zu bewegen. Du musst überall anrufen. Si dans une banque quelque chose se passe et que tu as que 10 euros dans cette banque là, là tu vas dire mais bon, c'est seulement 10 euros, c'est bon, parce que c'est un petit trésor. Mais si tu as des millions, des milliards dans cette banque là, tu vas vraiment être préoccupé. Tu vas appeler la banque, tu vas appeler partout pour savoir où est-ce que si tu vas encore être en charge, si tu seras capable de récupérer ton argent. Amen. Amen. Christus möchte wirklich, dass wir himmlisch gesinnt sind. Jésus-Christ veut vraiment qu'on puisse être qu'on puisse avoir notre just like he said in Colossians 3 verse 1 to 4. Surnaturel, céleste. Genauso wie er in Kolosser 3 gesagt hat, 1 bis 4. Tout comme il a dit à Colossiens 3. I hope you know, even know what is there already. You have been there several times. So let your focus be of heaven. Colossians 3. Let's go there again. Colossians 3, 1. Praise the Lord. Mm-hmm. Yeah. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. You see that? Wenn ihr nur mit Christus aufgeweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Colossiens 3 nous dit car vous êtes si vous êtes vous êtes mort et votre vie est attachée avec Jésus-Christ quand see those things which are above where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above and not on things on the earth. Amen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ici nous dit que quand votre Christ est votre vie parfaite, alors vous êtes parfait aussi avec le Christ et cherchez les histoires qui sont donc d'en haut et pas sur terre. Are you getting it? Mm. For you are dead and your life is hid with Christ in God. You are dead to this world. Vous êtes tot für diese Welt. Nous sommes morts pour ce monde ici. You know, a lot of us, we are still alive in this world. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entre nous qui sont encore trop vivants. And that's why things of this world move us more than Christ's kingdom moving us. Deswegen bewegen uns oder nehmen uns die Dinge dieser Welt immer noch sehr krass mit, sogar noch mehr mit als die Dinge des Königreiches. Et c'est pour cela les choses de ce monde, quand elles se passent, sont vraiment trop affectées plus que les choses du royaume des cieux. You know, if a dead body is here right now, it can't do nothing. And if the world system is no longer its business. zum Beispiel, wenn eine Leiche hier liegen würde, diese Leiche ist das Weltsystem komplett egal. Also da kann alles passieren, diese Leiche ist weg. Tout comme s'il y a par exemple une un corps mort, un cadavre ici par exemple, le cadavre ne va rien dire, si même il y a une bombe qui vient, le cadavre va seulement rester là parce qu'il ne peut rien faire. Mais nous, par exemple, nous sommes aussi morts pour le système de ce monde, mais on est toujours affectés par ce monde. For you are dead. Ihr seid gestorben. We're dead to here. Amen. Seid gestorben für diese Welt. Nous sommes normalement, nous sommes morts pour ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your life is healed with Christ. In God. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und es ist verriegelt, versichert dort. Lass zu, dass dort bleibt. Don't drag it with him. Amen. Amen. When Christ will heal our life shall appear. Then shall we also appear with him in glory. Amen. Christ is our life. Christus I love him. Jésus Christ est notre vie. He can take care of his life. Er kann auf sein Leben acht geben. Et lui, il peut prendre soin de sa vie. Praise the Lord. Hallelujah. We are in the right position, please. We are in the right place. Wir sind am richtigen Ort. Nous sommes dans la vraie, dans la bonne position, dans la, oui, dans la, dans le bon lieu. Amen. Amen. He trained us with whatever money come to us. Er bildet uns mit unserem, mit den, mit unseren Einnahmen aus. Especially. Amen. Besonders mit unseren Einnahmen bildet er uns aus. Et lui, il est en train de nous entraîner avec notre revenu, c'est qu'on, notre salaire. Amen. Mm-hmm. No, if I go to do said, oh, no, let me see, Frankfurt, and I forget 10 euro there, I will not go back to Frankfurt to pick it. But if I forget 1 million there, I will not sleep till dinner. I will run. Mm-hmm. Praise the Lord. That's how he explained it to me. Amen. Amen. Here he used Billy Faith. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Have Billy Faith in heart. Amen. The Lord. So was it. Amen. Und der Herr hat es auch als Beispiel genannt, dass wenn du 10 Euro zum Beispiel in Frankfurt vergisst, dann sind das 10 Euro und sagst, okay, schade, aber ist dann so. Aber wenn du 1 Million Euro in Frankfurt vergessen würdest, du würdest nicht schlafen, du würdest dahin rennen, fliegen, du würdest sogar mit dem Zug fahren, mit irgendwas anderem fahren, weil es würde sich immer noch lohnen. Par exemple, lui, il m'a dit que si tu oublies, par exemple, 10 euros à Francfort, tu ne vas même pas retourner parce que tu vas te dire, ben, c'est 10 euros, c'est rien de grave. Tu peux se laisser rester avec. Mais si tu sais que c'est ça, par exemple, 1 million d'euros, on va directement prendre le transport pour partir directement là-bas. On va faire vite. Heaven is more than a million. Mais le ciel est plus qu'un million. Amen. Le royaume des cieux, c'est plus qu'un million. Amen. You know, if you forget a million in one place, you know, you know, no matter how dangerous it is, you will go there. Mm-hmm. I want to go and pick it. It's my money. Amen. Wenn du 1 Million irgendwo vergisst, egal wie gefährlich. Maybe some dangerous, but I will get it. Egal wie gefährlich dieser Ort ist, egal wie tief, egal wie dunkel, egal wie kalt, egal, du willst da hingehen, weil dir dieses Geld wichtig ist. Einige von uns würden sogar fremd Zungen beten. Si par exemple tu as, oui, tu vas commencer à vouloir avoir cet argent, même si le lieu que tu veux partir c'est vraiment dangereux. Il y a d'autres, nous, ils vont commencer même à parler en langue. Amen. Amen. Especially when you know that where the money is not secure. Besonders wenn du weißt, dass das der Ort, wo das Geld ist, nicht sicher ist, würdest du dir Sorgen machen. Surtout si tu sais que là où l'argent se trouve, c'est pas sûr, c'est pas un, c'est un endroit qui n'est pas sécurisé. Amen. Don't see it as a body. Sehe es nicht als Last für Christus Jesus da zu sein. Ne vois pas ça comme une charge, être là pour Jésus Christ. Amen. Amen. Don't see it as a body for being there for heaven. Sehe es nicht als eine Last für den Himmel da zu sein. Ne vois pas comme une charge pour être là pour Jésus Christ. Amen. Amen. See it as a privilege. Sehe es als ein Privileg. Amen. Tu dois le voir comme un privilège. Your mighty God is saying, I need your help. Ich darf für den Herrn da sein. Der Herr bittet um meine Hilfe. L'Éternel te dit que j'ai besoin de ton aide. Amen. Mais bist du denn? Qui es-tu pour que l'Éternel praise the Lord. If we really believe that he is. He is there. He is the one. He is the one we are there for. Dass er derjenige ist, für den wir da sind. There's nothing we cannot do. Gäbe es nichts, was wir nicht für ihn tun können. Si réellement on croit qu'il est la personne qui nous demande notre aide, y a rien qu'on serait impossible à faire. Donc, on va tout faire pour l'aider. He really wants us to be heavenly conscious. Er möchte, dass wir himmlisch gesinnt sind. Il veut vraiment qu'on soit conscient du royaume des cieux, avoir une conscience céleste. Imagine living in a place where Satan is absent. Stellt euch vor, an einem Ort zu leben, wo der Satan abwesend ist. Imaginez-vous de vivre dans une place où le diable est absent. A place where he can never be. Ein Ort, an dem man niemals Fuß fassen kann. Une place où le diable ne peut jamais atteindre. Go to Luke 10. Look at what Jesus said. Don't be in a place where Satan can never be. It's over. It's over. He can never brush there any longer. Ein Ort sein, wo der Satan niemals sein kann. Er kann dort niemals auftauchen. Luke 10, Lukas 10, 18. Une place là où le diable ne peut jamais être là. On va lire Luc 10, 7. Raph, can you help us to read verse 18? 18, pardon. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. You can, you know, imagine being in a place and living there where Satan is absent. That's heaven. Only heaven is that place. Der Himmel ist das. Es ist nur der Himmel, der Ort. Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, ça signifie, imagine une place où il y a l'absence du diable. Ça, c'est seulement le ciel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. There's one place that it can never be. That is heaven. C'est un endroit où il n'y a pas de place. Il y a seulement une place là où lui il est absent et ça c'est le royaume des cieux. That's why the Lord wants us to learn how to live there. So the Lord wants us to learn how to live. Et c'est pour cela l'Éternel veut qu'on puisse apprendre à vivre. Amen. Vivre until you are heavenly conscious. Erst wenn himmlisch gesund bist. Your words remain with the sinners. Bleibt unser Heilspruch bei den Sündern. Because the time has gone. Seulement si ta conscience, tu vis dans une conscience surnaturelle, céleste, si tu n'es pas capable à vivre avec une conscience céleste, tous tes biens vont rester dans les mains des païens. Amen. For I say we should finish it, but it will take another hours. Amen. Until you are heavenly conscious, your words remain with the sinners. That's what he said. And we don't want them to remain with the sinners. Wir wollen nicht, dass es bei den Sündern bleibt. Amen. If you go, we will close with a second. Let's go to Ecclesiastes 2. Donc, il dit que pour que nous bien. Non, pour que nos biens ne puissent pas être ou bien rester dans les biens des incroyants ou des païens, on doit apprendre à vivre dans une conscience céleste, donc toujours se rappeler du royaume des cieux. On va le lire à Ecclésiaste. Ecclésiastique. Ecclésiaste 2, verset 26. For God giveth to a man that is good in his sight wisdom and knowledge and joy. But to the sinner he giveth travail to gather and to heap up that he may give to him. It's not for the sinner. The sinner work for you. Il dit car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et pour poursuite du vent. Donc ça signifie que les pécheurs sont en train de recueillir et d'amasser pour toi, pour afin de te donner, donc ils travaillent pour toi. Are you getting it? He says sinners work for you. Sünder arbeiten für dich. Are you getting it? You know, sinners, who are the sinners? You have to know who the sinners are. Amen. It's not those that lie, steal, or kill. You know, it's not those things. Rejecting and ignoring Christ makes you a sinner. Es geht nicht um die Leute, die lügen oder stehen. Es geht um die Leute, die Jesus verweigern. Das macht dich zum Sünder. Qu'est-ce qu'il appelle ici pécheurs? Ici, il dit que les pécheurs ne sont pas les gens qui sont en train de faire la fornication ou bien de tuer ou tout ça. Ce sont les gens qui sont en train de rejeter Jésus-Christ. Malgré, tu le dis, de venir vers Jésus-Christ, ils sont en train de rejeter Jésus-Christ. Donc, ils sont les pécheurs. Amen. John 16 help us to know what sin is. Johannes 16 zeigt uns, was Sünde wirklich ist, was Jesus Christus Sünde nennt und nicht, was diese Welt Sünde nennt. Et, oui. Et lui, 16, Jean 16 nous aide à comprendre qui est vraiment un pécheur et qui n'est pas Amen. Un pécheur. You know what they call, you know what they call sin. If you know your, you don't listen to your mother that want to direct you against Christ. You know? They see it as a sin because you don't honor your mother. You honor Christ and Christ honor your mom. Amen. The honor should come from Christ himself and not from Satan. Two people are going to honor you. Is it that Christ or Satan? Sie sehen es als Sünde an, wenn du deiner Mutter nicht gehorchen willst, obwohl deine Mutter dich halt weg von Christus zehren will mit ihrer Lehre. Aber du musst dich entscheiden, wen ehrst du, Christus? Menschen, du kannst nicht beiden Dinge, du kannst nicht zwei Dinge ehren. Et eux ils sont tentés de dire que toi tu es un pécheur parce que tu n'es pas en train d'honorer ta mère. Elle est triste, mais c'est cette la même mère là qui est en train de te diviser de Jésus-Christ. Et ça, Jésus-Christ ne le voit pas comme un péché. Le péché c'est quand toi tu rejettes Jésus-Christ, elle te fait rejeter le Jésus-Christ. C'est pour cela, c'est pas un péché de t'écarter d'elle quand elle veut être entre toi et la relation de Jésus avec Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment être prudent et le lire, lire la Bible comme l'Éternel veut que tu puisses le savoir avec le Saint-Esprit. He said he gave, you know, he gave them, he gave them travail, pain, stress. Are you getting it? To work for you, so that he will give you. Er gibt ihnen Schmerz, Stress, Depressionen, Burnout, all das, nenn es. Für dich zu arbeiten. Et il dit qu'il donne aux pêcheurs du stress et tout ça pour qu'à la fin ils vont te donner parce qu'ils ne peuvent sans même pas oui, ils peuvent pas jouir de leur bonheur ou bien de leur oui, de leur bien parce que le bien c'est sans Jésus-Christ. And we wonder why they walk in stress. Wir wundern they walk in pain. This is coming from the Lord for them. Im Stress sind. And that's why he That is what belongs to them. That is what they demand for. Das ist das, worum sie bitten. Das ist das, wofür sie sich entschieden haben, weil sie sich gegen den Herrn entschieden haben. Et puis, à la fin, on se demande, mais pourquoi ils ont beaucoup de stress? Les gens de ce monde sont vraiment trop stressés. Ben oui, ils veulent pas avoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est pour cela ils sont stressés. C'est leur choix. Et on doit pas aussi être surpris. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. I will quickly talk about those of you that blessed the ministry this month. I was in the bank. I saw it and I have a message. The Lord gave me a message concerning it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ich werde auch noch schnell über die Leute sprechen, die in die Gemeinde gegeben haben diesen Monat. Der Herr hat mir eine Botschaft für uns euch gegeben und der Herr möchte, dass ich das mit euch teile. Amen. Amen. I'm not going to preach the message today because if I want to preach the message, it takes 4 or 5 hours. Or except you want to start retreat. Then we start retreat. En fait, je veux parler de ce que l'Éternel m'a donné concernant les gens qui sont en train de donner ici à l'église. Quand j'ai vu aujourd'hui comment vous avez béni l'église, l'Éternel m'a donné un message. All I'm going to say is thank you for being there for Christ Jesus. Also, ich sage mal, zu sagen, dass danke, dass ihr da seid für Christus Jesus. Tout ce que je veux dire, c'est merci parce que vous êtes là pour l'Éternel Jésus-Christ. It is not about man. Es geht nicht um den Menschen. Parce qu'il ne s'agit pas de l'être humain. No one is owing anybody. Niemand schuldet hier irgendjemandem was. Il y a personne qui doit à l'autre quelque chose. But the love of Christ is more than owing anybody. Aber die Liebe von Christus ist mehr als irgendeine Schuld. Parce que l'amour de Jésus-Christ c'est mieux que c'est plus bien que n'importe quel que l'argent. The Lord really appreciates. Der Herr schätzt das wert. Et l'Éternel est vraiment reconnaissant. Because through our money he knows our hearts. Weil durch unser Geld kennt unser Herz. Parce qu'à travers notre argent il connaît notre cœur. A lot of time in the Bible if you look at it, go there, just see it, how he through money Because the love of money is the root of all evil. Mm. That's what the Bible says. Weil eben die Liebe zum Geld die Wurzel allem Bösen ist. Parce qu'on voit que l'amour de la Bible nous dit que l'amour de l'argent c'est la racine de toute de chaque mauvaise chose. You know, in Africa, people give to they give in churches so much because it is all based on fear. In Afrika geben die Leute in Gemeinden, weil es grundsätzlich auf Angst basiert. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup de gens donnent à l'église parce que, oui, ils ont vraiment peur. Amen. Sur leur façon de donner, c'est basé sur la peur. But for a living church, it's based on love. Because Christ himself is the giver. Geht es um Liebe und deswegen ist auch Christus selbst derjenige, der gibt. Et mais dans le royaume des cieux, il s'agit de l'amour et c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même qui donne. When I saw what some of you brought, I just said, Daddy, your children. I was thinking of Philippians 4. But he said, no, he said, I should not think of Philippians 4. He said, I should think of what you already have and not what is going to come for you. Mm-hmm. Because I was always thinking, what a great victory for your children they are going to have. He said, it's not what they are going to have. It's what they already have. Amen. Und als ich gesehen habe, was einige in die Gemeinde gegeben haben, dann habe ich den Herrn gedankt und an Philippa 4,4 gedacht. Aber er hat gesagt, es geht nicht um das, was die Leute noch empfangen werden, sondern es geht um das, was sie schon haben. Et moi, quand j'ai vu combien vous avez, comment vous avez donné, béni l'église, moi, je me suis dit, ah, Dieu, donc la victoire qu'ils auront encore. Et Dieu m'a dit qu'il ne s'agit pas de ce qu'ils auront, c'est que je les ai déjà donné. But he said one thing that he, how he wants his house to be, it's not yet there. He said that we are growing. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Because he wants his house to be, it's not about terraces somebody's bringing, tree somebody's bringing, gebosta somebody's bringing. No. Everything should be in one place. Mm-hmm. That anything we want to do, the ministry is just there. Mm-hmm. That's where he wanted to be. Und der hat auch gesagt, dass so wie es eigentlich and not what is going to come next. Mm-hmm. Dass so wie es eigentlich sein soll, so ist es noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg dorthin, weil er möchte nicht, dass wir verschiedene Töpfe haben. Zum Beispiel hier ist der Geburtstagstopf, hier ist der Urlaubstopf, hier ist der Terrassentopf und da hinten ist der Jollof Rice Topf, keine Ahnung, ne, für verschiedene Sachen beispielsweise, ne? Sondern Jollof Rice. Sondern ein Topf, das die Gemeinde ist für alles halt, ne? Dass die Gemeinde dann halt für alles in Christus aufkommen kann. Und dass es nicht immer verschiedene Konten sind, aus denen man halt nehmen muss für die verschiedenen Sachen. Weil sonst ist es so, als ob man immer von Event zu Event spart oder von Event zu Event sammelt. Mm-hmm. Donc l'Éternel m'a dit que sa vision pour l'Église, pour notre assemblée, c'est pas encore, nous ne sommes pas encore y arrivés. Il veut qu'on puisse avoir un pot pour tout. Donc, pas avoir un pot pour, par exemple, de la retraite ou bien de la terrasse ou bien des histoires différentes. Il y a de l'argent pour ça. Donc, dans des comptes différents, on a commencé à récolter pour les anniversaires. Non, lui, il veut normalement qu'on puisse être à la base d'avoir un pot pour tout le monde. Donc, dès que quelqu'un dit qu'on a une vision, c'est l'Église qui directement donne de ce pot, donne cet argent et pas qu'on commence à récolter de gauche à droite. Praise the Lord. Hallelujah. And also that, you know, as before this time, that was how we were doing it. But based on Papa and myself, we never said you bring. We were the one always for years. We were sponsoring it all the time. We thank the Lord for the bank. That, you know, like some people say, Spark Cassidy did not allow me to sell election. So the bank was, we were always going to the bank to take money to so that we can do it because we did not want to divide it and say, you bring, no. But I thank the Lord that now help us that we have started, but we are still on the journey. Mm-hmm. Amen. Amen. Und auch früher, da haben wir halt einfach immer selbst Geld in die Hand genommen, ne? Besonders von der Bank. und haben das Geld dann genutzt für die verschiedenen Sachen, Aktionen, die wir in der Gemeinde hatten, na, für Geburtstag oder sonst. Wir haben das Geld immer aus diesem, wir haben nicht gesagt, dass alle geben sollen, wir haben nicht gesammelt von allen zusammen, sondern wir haben einfach selber das immer wieder in die Hand genommen, weil ich danke dem Herrn für seine Wahrheit, die einfach offenbart hat, dass wir eins in Christus sind und nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Ne, und dass wir das jetzt halt in Christus zusammen machen. Und ja. Ici, et comme avant aussi, on faisait ça comme ça, que c'est l'église qui était en train de sponsorer, financer tous les anniversaires, tout ce qu'on avait, des projets, comme tous les projets qu'on avait, on partait dans les banques, prendre de l'argent et faire ceci, cela. C'est nous qui le faisions comme ça, mais maintenant on remercie l'Éternel qu'il a eu maintenant une autre façon et il est en train de nous apprendre comment le, oui, le faire en lui. And he also said it's not about emptying your portmoney or your account. It is more than that. It is making him number one yeah. in everything. Er hat auch gesagt, es geht nicht darum, dein Konto auszuräumen. Because you can give your body to be burned, it profits you nothing. Um dein alles zu geben, es geht darum, dein, um dein Herz, ne, weil du kannst dein Körper selbst hergehen, damit er verbrannt wird, aber es nützt dir nichts, ne, weil es nicht in Liebe, nicht in Christus getan wird, nicht aufrichtig getan wird. Donc, ça signifie qu'on doit le faire tout à travers l'amour de Jésus-Christ, parce que même si tu donnes ton corps pour être brûlé, si c'est pas, s'il s'agit pas de l'amour de Jésus-Christ, ça te sert à rien. Praise the Lord. Amen. Amen. So, I don't know when the message, we will have time to go there, but maybe if not Wednesday, then it will be next Sunday. Amen. Amen. It's a little bit many, but so I would like us to finish it once. Amen. So that, you know, they want us to go forward ever and backward never. Denn er will, dass wir immer weiter voranschreiten und nicht mehr zurückgehen. Et on va voir quand est-ce que l'Éternel va nous donner ce message, parce que il veut qu'on puisse avancer, avancer et pas de reculer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So I thank you so much for choosing him and allowing him to live through you. Amen. Ich danke euch, dass ihr euch für ihn entschieden habt und zulässt, dass er durch euch lebt. Et c'est pour cela que je remercie l'Éternel que vous avez décidé qu'il puisse vivre à travers vous. Because his system is not, he blesses you alone. He blesses you and make you a blessing. Denn sein System ist nicht nur, ich segne dich, sondern ich segne dich und mache dich zu einem Segen. Er macht dich zu einem Kanal für andere. Parce que son système, c'est pas que seulement que il te bénit, mais il fait de toi aussi une bénédiction. Amen. Amen.